weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous! Prenez place, il y en a assez pour tout le monde. C'est le moment de s'envoler au sein de la douceur et de la chaleur de la bulle. Bienvenue! Et aujourd'hui, eh bien, direction le bien-être physique, l'activité locale, car avec nous pour ce voyage, nous avons Cédric Braconneau qui vient nous parler de Labyrinthe Bikes. Cédric, bonjour. Bonjour Lia. Comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. En plus, avec les conditions qu'on a en ce moment, c'est plutôt pas mal. Ah bah oui, là, c'est carrément le moment justement de parler, eh bien, de ce qui nous amène aujourd'hui, entre autres le vélo. Hein. Là, c'est vraiment le moment idéal pour en faire du vélo. Oui, plutôt. En plus, on a un massif, un secteur qui s'y prête plutôt bien. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne activité en ce moment. On va revenir là-dessus tout au long de cette émission, bien sûr. Merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, tu nous viens de Saint-Maurice-sur-Moselle. Tu n'es pas venu jusqu'au studio de Radio Gémozo en vélo, mais en moto. Oui. tu es passionné quand même des deux roues, du coup. Oui. Ben, en fait, je suis passionné de plein de choses. D'accord. donc, effectivement, oui, les deux roues font partie intégrante de ma vie au quotidien. Oui. Eh ben oui. Alors, que fait-on au sein de Labyrinthe Bikes, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton entreprise ? Alors, Labyrinthe Bikes, c'est le nom commercial de la marque de vélo Labyrinthe. Oui. Au niveau de la marque, donc, elle existe depuis 2001. Oui. Donc, je l'ai créée en 2001 pour des raisons, on va dire, un petit peu personnelles, dans le sens où j'étais compétiteur. D'accord. Et on va dire, sur les différents produits que je trouvais sur le marché, j'avais toujours des petites modifications à faire. Et venant de la mécanique générale, mes heures passées en atelier se prolongeaient souvent avec la création de pièces et ainsi de suite. D'accord. Et donc, l'idée de créer ma propre marque est venue à ce moment-là. D'accord, ok. Parce que tu n'étais pas pleinement satisfait, en tout cas, de ce que tu pouvais trouver. Enfin, tu ne trouvais pas tout ce que tu avais besoin sous la main, un petit peu. Oui, voilà, on va dire qu'il y a encore de très bonnes choses, mais c'était vraiment pour aller dans le détail et améliorer en permanence ces choses-là. D'accord. Alors, créé en 2001, aujourd'hui, combien de personnes sont avec toi au sein de Labyrinthe ? Alors, aujourd'hui, je suis tout seul. Ah bah d'accord. donc, oui, c'est une petite structure. J'ai marqué un petit frein au niveau de la marque de vélo ces dernières années. Parce qu'en fait, j'ai eu un assez gros accident. Aïe. Et ça ne m'a pas permis de travailler énormément la marque ces derniers temps. On va dire que là, aujourd'hui, c'est le moment où ça redémarre. Voilà, ouais. D'accord. Il t'est déjà arrivé de travailler avec d'autres personnes quand même ? Oui, bien entendu. Oui, alors j'ai eu des personnes au sein de l'entreprise. J'ai également eu des prestataires externes avec qui on travaillait énormément en termes de graphisme, en termes de conception. D'accord. Et la fabrication, c'est pas moi qui la réalise. Moi, je suis vraiment sur la partie conception. D'accord. Sur la partie vente et assemblage du produit. D'accord. Alors, je cite, hein, tu l'as très bien dit sur ta page Facebook, parce que sachez que vous pourrez retrouver la marque Labyrinthe sur Facebook, située entre les sapins et les multiples sentiers du massif Vosgien. Labyrinthe se veut une marque tournée vers l'évolution de ce sport. Alors, beaucoup de pratiquants, j'imagine, dans les Vosges quand même, comme tu l'as dit, avec notre massif exceptionnel. Oui, effectivement, on va dire que... on va être un petit peu chauvin au niveau généralement de la France et plus particulièrement des massifs où on a une pratique qui s'y prête énormément. Le massif vosgien, on est extrêmement gâté et par la qualité des chemins et des sentiers qui s'y trouvent, et également par le dénivelé qui est important, mais pas trop, on dira, par rapport à un massif alpin où là, et tout oui. de suite, à partir du moment où on part d'un point bas, où on va aller sur un sommet, c'est plus du tout les mêmes chiffres. Quoi. Ah ben non, là, il faut avoir du mollet, quoi. Voilà. Là, il faut avoir de l'expérience. Et on peut encore en avoir un petit peu la preuve par rapport aux différents compétiteurs qu'on peut avoir. On va parler un petit peu plus loin, on va parler Grand Est, si on prend l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté. On a des compétiteurs de bon niveau qui prouvent également les capacités du massif à accueillir les pratiquants. Quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Donc toi, tu disais que tu avais pratiqué justement le vélo. Oui, alors j'ai pratiqué le VTT principalement, oui. Donc en descente et en enduro, qui D'accord. sont des spécificités du VTT. Donc moi, j'ai plus de 20 années de compétition ah oui, derrière d'accord. moi, où on va dire que j'ai eu un niveau honorable au niveau français européen. D'accord, c'est-à-dire On va dire qu'au niveau français, en descente, je me situais vers les 30e à peu près. Ah oui. Et au niveau européen, dans les 15-20 au niveau de l'enduro. Ah oui, d'accord, voilà. quand même. Ouais. On a un champion ouais. parmi nous. Bon, un champion, on va dire il y a quelques années. Mais alors, comment ça a commencé, cette épopée du vélo pour toi? Comment un jour es-tu tombé dans cette marmite du vélo? En fait, j'ai découvert ça par un ami qui est de Fraisse-sur-Moselle, qui avait un vélo avec des gros crampons, et je trouvais ça super sympa. Ouais. Et puis un jour, il m'a dit « Ah bah tiens, viens essayer de faire un tour avec moi », et puis c'est parti comme ça. Donc ça, c'était en 2000... Non, pas 2000. Ah, on sera jeunis, hein. En 1993, à D'accord. peu près. Et puis donc ça m'a tout de suite botté, et derrière je me suis dit pour mon anniversaire à mes parents, ça serait peut-être sympa un petit vélo, et puis c'est parti comme ça. Et de fil en aiguille, les compétitions sont arrivées, les sorties entre amis, et puis étant passionné de mécanique, je me suis dit voilà, pourquoi pas essayer de créer son propre produit, ce que j'ai réussi à faire début des années 2000. Oui. Où quelques amis m'ont dit tiens, ça pourrait être sympa, j'aimerais avoir la même chose. Donc là, j'ai créé ça, et je continue à travailler à côté, bien évidemment. Oui. Donc c'est venu comme ça, un produit, un deuxième, une nouveauté, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors, pour en revenir à ton expérience, tu as fait du vélo en club avant de forcément. Oui, oui, oui, bien évidemment, oui. Donc et je suis toujours licencié au club D'accord. de Remiremont VTT. Ok, hein, que l'on salue. Voilà. où j'ai encore, peut-être pas une cheville ouvrière, parce que c'est un grand mot, mais je suis encore plutôt impliqué dans le club avec l'entraînement les mercredis après-midi des enfants. D'accord. Ce qui me tient particulièrement à ah cœur, bah oui. parce que c'est la relève de demain, et puis c'est toujours sympa de passer les mercredis après-midi avec des enfants qui sont motivés et qui ont envie d'apprendre. Donc voilà. Donc toi, tu as commencé au sein du club de Remiremont, et puis maintenant tu entraînes ces jeunes gens à devenir... Exactement. Et c'est bien parce que tu es passé par ce début, jusqu'à arriver quand même très bien classé au niveau français et européen, comme tu nous le disais juste avant. Quelles qualités faut-il pour devenir un jour, pouvoir un jour côtoyer ces places-là? Alors, moi je ne suis pas particulièrement... Dans l'optique de dire on va tous en faire des champions, parce oui. qu'il faut être plaisir. Clair que un champion à tout prix, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Oui. Et les qualités, on va dire que déjà avoir envie et surtout toujours se faire plaisir. D'accord. Parce que c'est pas non plus un sport qui est hyper médiatique et hyper reconnu. Oui. Donc voilà, garder ça en tant que passion et s'épanouir dans le sens là, et c'est également ce que j'essaie d'inculquer à ces jeunes là où la compétition est une chose, mais le savoir vivre ensemble et le plaisir à prendre sur un vélo est la meilleure des récompenses. Ah bah oui, se faire plaisir, ça c'est super important. En plus, on profite de ce paysage magnifique qui nous est donné quand on fait du vélo, hein, ça c'est sympa. Du coup, quand on est dans un club comme ça, on fait du vélo à plusieurs, ou est-ce qu'à un moment donné on s'entraîne seul? Alors, On va dire qu'il y a des moments de partage, bien entendu, et puis c'est ce qui permet aussi à la pratique d'être ludique. Après, quand on va arriver à un niveau qui demande un entraînement spécifique, on ne peut pas toujours le faire en groupe. Mais voilà, ça va être vraiment des parties qui ne sont pas forcément les plus fun à faire, mais qui sont obligatoires, quoi, quand on veut performer dans quelques sports que ce soit, hein, toute façon. Est-ce que c'est une affaire beaucoup de vélo, justement, quand on est compétiteur à VTT ? Est-ce que le vélo, l'outil que l'on emploie, il est hyper important dans le sens où est-ce qu'il y a des vélos, ben, peut-être comme ceux que tu proposes, sûrement, mais bien entendu, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, de compétition, quoi. Est-ce que, voilà, on fait Alors, une différence ? Aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu le budget... du pratiquant qui va faire un petit peu la qualité du produit, en sachant que si on voit très très large aujourd'hui dans le vélo, alors tout vélo confondu, on va avoir des vélos à 100 euros comme on va en avoir à 10-12 000 euros. Oui. Donc on a un panel qui est énorme et je dirais presque que c'est dans n'importe quel produit, on va retrouver les mêmes choses, que ce soit dans l'automobile, dans la moto, dans les téléviseurs, enfin... on a de tout et à n'importe quel prix. Après, tout dépend la cote affective qu'on va avoir vis-à-vis du produit et ce que l'on veut en faire. En sachant que les vélos les plus chers ne sont pas forcément le vélo de compétition à tout prix. D'accord. Mais on va aller sur un produit un petit peu luxueux où on va vouloir avoir un beau produit pour se faire plaisir. D'accord. Et pouvoir l'utiliser pleinement. Quoi. Ok, bah, il vaut mieux parce qu'avec un vélo à 10-12 000 euros, il vaut mieux se faire plaisir quand même. Oui, bon là, on reste sur des tarifs très élitistes. Hein, oui, j'imagine. Mais ça existe, quoi. Ça existe. Ça existe. Ouais. Alors, si tu veux bien, avant d'en savoir plus sur cette fameuse marque Labyrinth Bikes que tu as créée il y a maintenant quelques années et qui propose toutes sortes de vélos, d'ailleurs, on ne sait pas encore, on a gardé le suspense, on va en savoir plus juste après notre première bulle de son avec Closer de Lemaître et Jenny Hay, et on se retrouve juste après. We'll be right back. sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo. Vous êtes bien dans la bulle. Ne bougez pas, vous êtes pile poil au bon endroit. On se fait du bien. Aujourd'hui, on parle eh bien, de vélo avec Labyrinthe Bikes et Cédric, hein, surtout son concepteur. Alors Cédric, si je ne me trompe pas, donc non, je ne me trompe pas parce que je t'ai posé la question en off, hein, tes vélos sont partis en road trip à travers le monde et t'ont transporté sur leur selle. Est-ce qu'il faut des vélos spécifiques quand on veut faire une chose pareille, partir en road trip en vélo? Alors tout dépend quel road trip on veut faire. D'accord. Là, on va dire que par rapport à ce que l'on fait, ce que je fais un petit peu au quotidien, c'est principalement du VTT. D'accord. Le VTT un petit peu qu'on va utiliser tous les jours. D'accord. Après, quand on va un petit peu loin, c'est sûr qu'il faut prévoir soit du matériel de rechange que l'on a, ah oui, et essayer au maximum d'avoir des pièces de marques connues au niveau, je sais pas, des freins, de la transmission, d'accord, et ainsi de suite, pour pouvoir se dépanner relativement facilement. Ah bah oui, forcément. Alors c'est quoi cette histoire de road trip en VTT? Comment ça te prend une idée pareille? Alors, tout va dépendre un petit peu de ces road trips, c'est-à-dire que suivant les road trips, soit des fois c'est des amis qui habitent à l'étranger et puis qui disent bah tiens, tu pourrais peut-être venir, ça peut être sympa, d'accord, on peut se faire un petit quelque chose. Ça peut être des fois avec des magazines de vélo qui disent bah tiens, on va là-bas, est-ce que ça te dit? Ah, c'est bien ça. Donc ouais, ça peut être toutes des petites choses comme ça, ou alors simplement ayant des amis photographes, c'est dire ben allez hop, viens avec nous, on va à tel endroit, on va faire des photos et après on retransmet ça à un magazine ou on s'en sert pour nous. D'accord. Alors t'es parti où déjà? Oh là. D'accord. La liste risque d'être un peu longue, mais il y a la Slovénie que j'apprécie particulièrement, et puis j'ai un ami qui fait beaucoup de VTT également là-bas, où d'ailleurs il s'est fait voler un labyrinthe la semaine dernière. Ah non, ça c'est pas bien. Il y a aussi le Canada, les États-Unis. Après, plus proche de nous, on va dire au niveau européen. Quand on va faire Pays de Galles, Écosse, Angleterre, un petit peu la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Ah oui, quand même. Voilà, et j'en passe. D'accord, et bien dis donc, est-ce que c'est la même façon de pratiquer le VTT dans d'autres pays qu'ici? Est-ce que du coup, les VTT qu'on retrouve là-bas sont peut-être différents de ceux qu'on propose en France? Non, aujourd'hui on a quand même une harmonie au niveau international qui est assez grande. Après, on va dire que certains pays ont des pratiques, on va dire que ça va être plus par rapport à la pratique et par rapport à la topographie que les produits vont changer. Mais après, un vélo qu'on va vendre en France, on va retrouver le même au Canada ou on va retrouver le même au Japon ou en Australie, par d'accord, exemple. Est-ce que des labyrinthes partent là-bas pour des utilisateurs? Des labyrinthes, on peut en retrouver à Hong Kong, par exemple. C'est assez marrant. Ah ouais. On se dirait que Hong Kong, le vélo, ils ne connaissent pas forcément. Et, oui. Et si, Hong Kong, ils font beaucoup de VTT. Oui. Enfin, ils font beaucoup proportionnellement à la taille du pays. D'accord. Après, on peut en retrouver en Amérique du Nord également, notamment au Canada, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne également, d'accord, en Belgique. Voilà. Ok, ouais, bah dis donc, ouais. ça voyage. Ouais. Alors, est-ce que tu as suivi un parcours professionnel dans ce sens pour un jour alors, toi, tu disais que tu ne fabriques pas, tu assembles, tu... Oui, alors, en fait, donc la base vient de la conception du produit. D'accord. Où je définis une géométrie, je définis les pièces dans le détail, en sachant qu'un vélo, on se dira, un vélo, c'est trois bouts de tube, ouais, c'est bon, c'est pas très compliqué. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pourrait croire. Voilà, je m'occupe vraiment de la conception. Après, je fais réaliser la fabrication du cadre. Malheureusement, après aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais à l'étranger. D'accord. En sachant que le but d'ici quelques temps est de pouvoir faire au moins une partie de la production dans les Vosges. Ouais, voilà. Ça serait bien. Donc là, on est en train de travailler avec un fournisseur, on va dire partenaire, qui lui a les moyens techniques de fabriquer les cadres. Et probablement d'ici 6 mois, 1 an, on aura peut-être des vélos Cocorico. Et je vais dire même Made in Vosges au niveau du cadre. Cool. Donc, c'est vraiment très intéressant. Après, la tâche n'est pas simple, hein, en sachant qu'aujourd'hui, 98-99% de la production mondiale vient de l'Asie, oui, au niveau des vélos. Ouais. Donc, tout vélo confondu, hein, entrée de gamme ou haut de gamme. D'accord, ok. Donc, on a perdu un petit peu savoir-faire aujourd'hui du vélo. Et surtout, pour être compétitif, c'est très compliqué aujourd'hui de fabriquer en France, on va dire par le biais du vélo, parce que les moyens pour fabriquer un vélo complet sont assez importants. Et aujourd'hui, on ne peut pas vendre non plus un vélo hors de prix juste pour dire qu'il est fait ici, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Juste pour nous donner une idée, combien ça coûte de fabriquer un vélo une fourchette, alors, si tu veux. Ouais, c'est très, très compliqué à dire, parce qu'aujourd'hui, tout dépend sur le secteur qu'on va se situer. Tout dépend si on met des suspensions, pas de suspensions, oui, des freins à disque, pas de freins à disque. Enfin, c'est très vague. Et si je vous donne une idée, ça voudrait presque rien dire. D'accord. Parce qu'il faudrait qu'on parle d'un produit spécifiquement. Mais en sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur la fabrication d'un vélo aujourd'hui, on est 30% plus cher à peu près de le fabriquer en France. Et aujourd'hui, pour une qualité qui n'est pas forcément meilleure, mais le but, c'est de l'avoir, c'est dur de dire au client, bah voilà, votre vélo coûte 30% plus cher juste parce qu'il est fait ici, mais c'est le même que celui qui vient d'Asie, par exemple. Après, il y a des gens qui sont sensibles justement au fait que ça vienne de France et puis encore plus des Vosges. Hein. Maintenant, ça bouge un petit peu. Voilà, c'est pour ça aussi que le but est d'arriver à fabriquer les Vosges à proximité. Ouais. Ben ça serait sympa. Donc du coup, est-ce que tu as suivi un parcours professionnel qui t'a amené à pouvoir un jour concevoir un vélo ? Voilà, alors oui, c'est vrai que c'était la question de départ. C'est pas grave. Donc en fait, moi je viens de la mécanique générale, donc en tournage, fraisage, et j'ai pas voulu être tout de suite à l'intérieur dans un atelier ou sur un bureau à faire des plans toute la journée. Donc je me suis tourné un petit peu vers l'extérieur où je suis allé faire mes diplômes de pisteur secouriste pour travailler sur les pistes de ski d'hiver. D'accord. Et de moniteur de vélo avec un brevet d'état activité du cyclisme. Ah oui. Où j'ai fait quelques années où je travaillais en extérieur pour profiter un petit peu de la vie en extérieur et puis me dire bah voilà, quand je serai entre guillemets un petit peu plus vieux, je me mettrai dans un bureau pour faire mes plans. Voilà. Et là même, je me souviens, même quand j'étais à l'école, au niveau de la mécanique, mes projets scolaires tournaient plus autour de mes propres pièces de vélo. Les profs étaient contents que j'ai des projets parce qu'il était au moins sûr que ça intéresse plus d'autres élèves également. D'accord. Que des projets qui sont proposés par l'école directement. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'au club où tu pratiquais le VTT, donc Remiremont VTT, c'est ça, tu nous disais oui, tout à l'heure, oui. Ils t'ont vu un petit peu passer d'enfant à adulte et puis venir concevoir des vélos. Oui, exactement. Après, ça remonte hein, déjà. Je fais travailler la mémoire. Mais oui, exactement. Au niveau du club, j'y suis arrivé. Alors, j'ai pas commencé exactement au club de Remiremont. Je suis arrivé au club de Remiremont, j'avais 17 ans. D'accord. Donc je suis arrivé au club en tant que compétiteur parce que des amis qui étaient à ce club-là me disaient ben viens plutôt chez nous, ça peut être sympa. Il y avait la descente des abbesses qui existait à l'époque. Donc je suis venu au club à 17 ans où j'ai très rapidement passé des brevets fédéraux pour encadrer très vite les jeunes. D'accord. Parce que je sais pas, ça m'intéressait de retransmettre un petit peu ce que moi j'avais pu avoir avant. Finalement aujourd'hui j'y suis un peu toujours, j'ai fait quelques petites pauses quand même entre temps. D'accord. Et puis après, effectivement, le club et les personnes qui le composent ont suivi un petit peu la progression avec des premiers produits, des petits stands sur les courses, des stands à la rando, des petites choses comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, les membres du club connaissent la marque et pour certains, utilisent les produits. Ouais. Ah bah c'est sûr. Est-ce qu'ils viennent parfois à l'atelier voir comment ça... Ça se monte un vélo, comment ça se passe? Alors on va dire très rarement parce que aujourd'hui Labyrinthe, il n'y a pas de, on va dire que j'ai pas pignon sur rue avec une façade, un magasin, ouais, ainsi de suite, ce qui ne devrait pas tarder normalement pour l'année prochaine. Ah bah oui. Voilà, avec un showroom où les gens pourront venir essayer les vélos. Ah, c'est chouette. Même si aujourd'hui les vélos peuvent être essayés par monsieur tout le monde, juste, oui, avec une petite prise d'info, un petit email ou un petit coup de téléphone pour savoir, d'accord, s'il y a le produit disponible et à quelle date. Mais voilà, des choses qui vont arriver prochainement. Eh ben, on se tiendra informé sur tout ça. Avant de continuer ensemble sur cette fameuse marque que tu as créée, Labyrinthe Bikes, et de tout ce qui se passe autour, parce que le vélo, c'est un vaste sujet. Moi, c'est je vrai. Ne connaissais pas. Eh ben, avec toi, voilà, j'ai eu envie de m'intéresser au vélo, au VTT, voilà, un petit peu d'adrénaline parfois, je pense, et puis surtout du plaisir, hein, parce que c'est ça qui est important. Alors, on va se lancer dans notre deuxième bulle de son avec un son de Jane pour Alright et on se retrouve juste après. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things Et voilà, nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo. Vous êtes bien dans la bulle aujourd'hui avec Cédric Braconneau de Labyrinthe Bikes. Merci encore à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Eh bien, merci de me recevoir. Non, c'est moi qui suis ravie. Alors, tu as été même en 2014 lauréat du réseau Entreprendre de Lorraine pour Labyrinthe Bikes. Oui, c'est cela. Comment ça se passe, ça? Alors, le réseau Entreprendre est un réseau de financement et puis de support d'entreprise au niveau du suivi, de conseil et ainsi de suite. D'accord. Et donc en fait, j'ai été introduit auprès de ce réseau par la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Et j'ai présenté mon projet par rapport à ce que je faisais pour Labyrinthe, comment ça se passait, mon travail et tout. Et donc derrière, j'ai eu la chance d'être retenu pour ce projet-là et d'avoir un suivi au niveau du réseau Entreprendre Lorraine. Bah c'est chouette, ça t'a aidé ? Oui, effectivement, parce qu'en fait, on essaie de prendre un maximum les expériences de chacun et d'aller dans le sens de fonctionnement, d'éviter aussi les erreurs que certains ont eues avant et ne pas faire les mêmes ou faire différemment pour que ça se passe bien. Donc non, c'est très intéressant. Ah ben ça c'est super, hein, bravo en tout cas. Alors pour nous éclaircir un petit peu, combien de temps si c'est en tout cas possible de le calculer entre l'idée de la conception d'un vélo et la finition de ce produit? Donc on va dire sur le à partir du moment où on se met sur une feuille blanche et qu'on fait plus ou moins un cahier des charges sur ce que l'on veut, comment on le veut, pour qui, et le moment où on va le livrer au client, on va dire qu'il y a 2 bonnes années qui passent. Ah oui ? Oui. Ah d'accord, donc si on veut commander un vélo, il faut s'y prendre maintenant là. Alors non, parce que là on n'est pas sur du vélo sur mesure, hein, bien entendu. Ouais. Mais quand vous voulez un vélo, vous venez... on va dire, pour un petit mois, vous l'avez entre les mains, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. D'accord, ok. Alors, à quoi tu t'adaptes, en fait? Le client, il vient, il t'expose un petit peu sa façon de faire du vélo, comment il l'utilise, s'il fait de la compétition, s'il ne fait pas de compétition, comment ça se passe, ça? Alors, aujourd'hui, l'idée déjà de savoir déjà ce que le pratiquant fait avec son produit actuel, quel produit il a, vers quoi il veut s'orienter, ce qui permet de définir un petit peu le montage du vélo et également la position, les différentes pièces et puis ce qui est un petit peu le nerf de la guerre aussi, le budget derrière qui est important pour savoir dans quelle direction aller et surtout être cohérent avec la volonté et les moyens de la personne. C'est sûr. Toi, tu fais du vélo qui va partir en compétition avec des gens qui pratiquent intensivement et pour la personne de tous les jours? Oui, on va dire que on pourra appeler ça parce que on va dire que la compétition, je viens de la compétition, mais les produits que je fais sont pas forcément pour la compétition. D'accord. On va dire que c'est un produit haut de gamme, qui est un produit de qualité et vers lequel je m'efforce au maximum de mettre la patte pour que le produit puisse correspondre à des personnes exigeantes qui soient compétiteurs ou non. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme matériaux? Est-ce qu'il y a des matériaux spécifiques? Alors aujourd'hui, au niveau des matériaux, on va dire que dans le vélo en général, on va avoir une variété de matériaux qui est le même que dans l'industrie, qui va passer de l'acier à l'aluminium, le titanium, le carbone. Oui. Et aujourd'hui, j'ai une gamme de produits en carbone là qui va arriver. Les produits sur lesquels on va travailler pour fabriquer dans les Vosges, on sera sur de l'aluminium. D'accord, ok. Voilà. Le carbone, c'est ce matériau en fait qui fait qu'il est beaucoup plus léger ton vélo. Alors, oui et non. D'accord. Tout va dépendre comment on va le travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon carbone peut être très léger et permet de faire aussi des formes beaucoup plus complexes qu'avec du tube d'aluminium, par D'accord. exemple. on va dire que le gain de poids est pas si important que ça s'il est mal travaillé. D'accord. C'est un carbone bien travaillé peut être très très bon, mais est également aussi très coûteux. D'accord, ok. Voilà. Donc par rapport à cela, tout va dépendre de ce qu'on recherche derrière. D'accord. En sachant que là, j'arrive avec une gamme de produits en carbone. Les produits qu'on va faire dans les Vosges seront en aluminium. Tout simplement parce que c'est un petit peu plus facile à travailler. D'accord. Et également par rapport à la qualité intrinsèque du produit aluminium, qui un aluminium bien travaillé peut être aussi performant qu'un produit en carbone. D'accord. On fait attention au design chez Labyrinthe. Ah ben bien sûr, c'est comme quand on va acheter une paire de chaussures, on n'achète pas celles qui ne nous plaisent pas. D'accord, ok. Je ne sais pas, quel genre de design particulier par exemple tu peux proposer? Moi je vois le vélo, tu vois un petit peu de la marque enseigne référente dont tout le monde va, chez qui tout le monde va. Donc les vélos, ils sont un petit peu communs, hein, Bien sûr, un vélo ça aura toujours, enfin tout dépend des vélos, mais on va dire qu'un vélo ça a deux roues, une fourche, des freins, oui, un pédalier. Voilà. Un cadre et suspension ou pas de suspension. Donc après, je travaille principalement sur des cadres avec suspension. D'accord. Donc déjà, ça va être comment la suspension va être placée. Après, il y a le fonctionnement de cette suspension qui va être important aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la cinématique. Donc c'est la variation des forces qui vont intervenir entre la roue arrière et l'amortisseur. D'accord. Qui vont permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins souple, qui pédale plus ou moins bien et qui descend ou qui monte plus ou moins bien. D'accord. Donc déjà, ça c'est une très grosse partie de départ quand on va concevoir un vélo, où le but de cette cinématique-là est d'avoir quelque chose en rapport avec le produit qu'on veut obtenir derrière. D'accord. Donc déjà, l'emplacement on va définir un petit peu le design général du produit et après autour de cela on va dire que je vais adapter pour que à mon goût, hein, ça reste à mon goût, la ligne du vélo soit un petit peu sexy et donne envie de monter dessus, soit flatteur aussi bien à l'œil qu'à l'utilisation. Alors là, un vélo sexy, celle-là, je ne m'y attendais pas du tout, ça c'est génial. Alors là, on aura franchement de tout. On ne peut plus avoir d'excuses pour ne pas monter à vélo et voilà, partir sur les routes à pédaler, ça c'est génial. Alors justement, tu nous parles de suspension, de différentes pièces que toi tu mets en place sur certains de tes vélos, ça sert à quoi? On fait des formes avec? On fait quoi quand il y a des suspensions? On va dans les bois, quoi. Voilà, alors donc là, on parle principalement de VTT. Hein, ouais. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, la suspension dans le VTT est monnaie courante. Hein, on peut le voir un petit peu partout. Après, il est vrai que des suspensions sur des vélos qui sont en dessous de 1 500 €, c'est relativement compliqué à trouver quelque chose qui soit performant. Mais tout dépend de la performance qu'on veut également et puis du budget qu'on veut y allouer. Mais on va dire que les suspensions, c'est un confort d'utilisation qui est très très important et on augmente l'adhérence au niveau du sol en descente. On va également améliorer le confort en montée. Si on prend l'exemple, j'ai un ami, son père voulait changer de vélo. Il avait 55 ans, et puis il me dit « Ah, moi, vélo, VTT, c'est un VTT rigide, enfin, l'arrière avec juste une fourche suspendue à l'avant. J'en démords pas. » Je dis « Écoute, ce serait peut-être intéressant quand même de regarder avec une suspension derrière, parce que même si à l'âge-là, on est encore en pleine forme, je lui dis « Ouais, mais préserver un petit peu ton dos, préserver un petit peu les articulations, ainsi de suite. » Et finalement, il s'est orienté vers un vélo avec suspension aujourd'hui, il le changerait pour rien au monde. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pièces sur certains de tes vélos, de tes VTT, qu'on ne trouve pas ailleurs pour le confort justement d'utilisation? Alors, on va dire que après, là, on va un petit peu plus loin que le cadre. Hein. Labyrinthe, aujourd'hui, c'est vraiment un spécialiste. Enfin, la marque est spécialisée dans la conception de cadres en eux-mêmes. Et après, le montage qui est fait sur les vélos sont choisis chez des fournisseurs connus et reconnus pour justement avoir le maximum de cohérence avec, avec le point de départ que l'on conçoit pour obtenir un petit peu l'âme du produit pendant son utilisation. D'accord, eh ben, dis donc, on saura tout sur le vélo aujourd'hui. Moi, je suis ravie, je sens que je vais faire du vélo cet après-midi. En plus, il fait beau, profitez-en. Voilà, c'est important de bouger, il faut se faire du bien. C'est le moment idéal en plus, hein. Alors, on va se lancer dans notre troisième bulle de son avant d'entamer notre dernière partie d'émission. Mais surtout, ne bougez pas, il y a encore plein d'autres choses à savoir. Et puis notamment, quelque chose que je ne savais pas, mais quand même qu'il faut préciser, bientôt la Coupe du Monde de VTT fin août. On en parlera tout de suite après cette pause musicale. On écoute Chaka Pong pour Let's Bang et on se retrouve juste après. Hey, yo! s'est réveillé là avec ce son. On est toujours ensemble sur Radio Gémozo. On est dans la bulle avec aujourd'hui Cédric Bracono qui vient nous parler des vélos Labyrinthe Bikes, qu'il a, voilà, marque qu'il a mis en place depuis déjà un petit moment sans vouloir t'offenser. Depuis 2001, mais on va dire que tu es bien installé dans la profession et en tout cas, tu as une sacrée expérience personnelle et professionnelle dans tous les cas dans ce milieu. Donc, on est en toute confiance aujourd'hui pour parler de tout ça. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, il y a eu une évolution justement dans le domaine du vélo, du VTT ? Est-ce que les vélos ont pris une autre dimension avec des nouveautés ? Je ne sais pas. Oui, effectivement. pour monsieur et madame tout le monde, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, sauf le jour où on vient avec son ancien vélo et on vient au magasin en disant bah, « Tiens, j'aimerais bien changer ça ». Ah mais ça se fait plus. D'accord. Non, après on est surtout principalement dans le VTT, c'est un sport jeune encore. Hein. Ouais. Le VTT c'est né au milieu des années 80, donc c'est un sport tout jeune et comme sport jeune ça évolue très très rapidement. Aujourd'hui la dernière grosse évolution qu'on a pu avoir c'est bien évidemment l'assistance électrique. Eh ben oui. Qui a, je dirais, fait évoluer le marché, aussi bien le marché de l'électrique, bien évidemment, parce qu'il n'existait pas, mais également le marché du vélo musculaire qui aujourd'hui doit se renouveler, doit essayer aussi d'évoluer pour garder un petit peu des parts de marché. Et après, on a la taille des roues aussi qui oui. ont énormément évolué. Donc, alors ça va peut-être paraître un petit peu, c'est du langage un peu plus technique, mais le VTT jusque il y a environ une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, on était sur des tailles de roues en 26 pouces. Oui. Donc ça, c'est la taille de la roue. Aujourd'hui, on est sur du 27,5, voire 29, oui. suivant les produits. On a le freinage qui a énormément évolué. Au début, on avait des freins à patins et dès qu'il pleuvait, on espérait pouvoir s'arrêter. Aujourd'hui, on a des freins à disque comme on peut retrouver sur une moto. Ça, c'est fou. Oui, et on a un freinage qui est très constant, des produits qui sont très très pointus. On a eu également l'arrivée de la suspension. Début des années 90-95, on roulait sur des vélos tout rigides, où dès qu'il y avait une bosse, on se faisait secouer comme un prunier. Et aujourd'hui, on a des suspensions qui sont vraiment de l'orfèvrerie au niveau de la qualité du produit, et qui permettent de pratiquer le VTT vraiment en toute confiance et avec un confort hors du commun. Quoi. Et sans avoir mal aux fesses. Alors, ça... Est-ce qu'il y a un vélo sexy qui pourrait préserver notre alors, ça, c'est un petit peu par rapport à la selle qu'on va mettre. Et puis, je dirais, ce qui fait le moins mal aux fesses, c'est la pratique. Hein. Donc, ça va faire mal la première, la deuxième, la troisième fois. Et puis après, ben, on va s'habituer. Et puis après, il faut également s'habiller avec un short de protection qui nous aide aussi à avoir un petit peu moins mal aux fesses. Ben voilà, on a des conseils aujourd'hui, c'est parfait. Est-ce qu'on peut venir chez toi pour prendre des conseils justement sur son envie de vélo, si on a des questions? Est-ce que, par exemple, toi, ça t'arrive de réparer parfois d'autres vélos? Alors ça, tu le fais pas, tu consacre non, à l'Abyrinthe? Non, pour l'instant, non. J'ai vraiment pas le temps de faire cela. Je dis pas que ça m'arrive jamais, parce que c'est plus pour les amis ou des choses comme ça que je fais la mécanique. Mais aujourd'hui, je le fais très très peu, parce que j'ai clairement pas le temps. Oui, ouais, d'accord. Mais voilà. On peut venir si on a envie d'acheter un nouveau vélo chez toi, ou on peut prendre contact avec toi. Voilà, le mieux, c'est pour l'instant de prendre contact, et puis de venir au printemps de l'année prochaine, où il y aura un showroom avec des produits tests. Oui. Et oui, il faut pas oublier ça. Il y aura tout pour essayer, mais là je vous invite quand même à découvrir les nouveautés 2019, hein, parce que là on parle en millésime un petit peu. D'accord. Qui vont arriver, qui sont déjà là, où là on est en train de faire les photos, pour refaire notre site internet aussi, qui devrait arriver pour la rentrée. D'accord. Donc la rentrée de septembre, hein. Oui. Mais ils seront à découvrir également sur les prochains événements, dont un qui va arriver fin août. Ah oui, allez, on en parle. Le 24, 25, 26 août, eh bien, c'est la Coupe du Monde de VTT à la Bresse. Alors ça, je ne savais pas, mais c'est quand même un méga événement. Comment ça se passe? Oui, alors la Bresse est très active au niveau de tous les sports en général. Là, ça fait, je crois que la première Coupe du Monde, alors je vais peut-être raconter des bêtises, hein, mais la première Coupe du Monde de VTT qui a eu lieu à la Bresse a été en 2009. D'accord. En sachant qu'avant, il y avait déjà eu des Coupes de France, des Coupes d'Europe. Et depuis 2009, il y a eu une autre manche en 2011. Donc ça, c'était 2009-2011, c'était des manches de descente. D'accord. En 2016, on a eu une manche de cross-country avec la victoire de Julien Absalon à domicile, qui était vraiment une très très belle fête, une très belle épreuve. Avec en spectateur, c'est une foule énorme. Enfin, c'est vraiment, je pense que pour les pilotes, ça doit mettre des frissons dans le dos quand on passe au bord des chemins. Ça, c'est Et là, cette année, c'est une manche double, donc avec le cross-country et la descente. D'accord. Qui aura elle, lieu elle au slalom, donc à la station de ski de la Bressonnec. D'accord. Le 24, 25, 26 août de cette année. Eh ben c'est super. Donc toi, tu as été un petit peu recruté pour cette Coupe du Monde de VTT en tant que traceur pour la piste, c'est ça? Et oui, effectivement. Donc, en sachant que pour cette organisation, c'est une co-organisation entre une association qui est la Bresse Événement et la station de ski La Bressonnec. D'accord. Les bénévoles de la Bresse Événement, étant donné que bon, c'est un petit milieu, on se connaît un petit peu tous, ils m'ont dit tiens, Cédric, ça va. Est-ce que ça t'intéresserait de venir nous aider pour apporter un petit peu tes conseils au niveau du tracé de la piste de descente? Et je leur ai dit, bon, écoutez, bon, allez, hop, oui. Ça ne s'improvise pas de tracer une piste. Combien de temps ça met? Est-ce que toi, tu connais déjà très bien cet endroit-là pour l'avoir pratiqué? Alors, on va dire que ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on travaille sur la piste avec, bon, pas un an tout le temps, hein, c'est du bénévolat, hein, mais où là on a regardé déjà quel terrain était approprié, mais il faut également composer avec le bike park qui est en place, il faut faire des choses qui soient utiles également pour la station derrière, donc il faut composer un petit peu avec tout ça, avec le terrain en place et puis avec les forces en présence également, en sachant que il y a une équipe de bénévoles qui sont formidables, il y a des personnes de la station qui travaillent, qui font vraiment un travail énorme également. Donc moi, ma venue, c'est vraiment du ponctuel où on essaie de regarder un petit peu, on passe à droite, on passe à gauche, on fait ça plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Mais ça fait plus d'un an qu'on va régulièrement sur le terrain pour mettre un petit peu tout ça en place, quoi. D'accord, donc en fait, il se fie à ton expérience et puis à tout ce que tu sais en tant que coureur, entre guillemets, quoi. Voilà, oui, également. Après, on va dire que j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant d'essayer de retranscrire un petit peu les choses intéressantes et également de voir un petit peu ce que les pilotes attendent pour ce genre d'événement, en sachant que le verdict, on l'aura après la compétition. Eh ben oui, tu viendras nous en parler. De voir, avec plaisir, de voir si ça a plu ou pas aux pilotes, quoi. Est-ce que toi, tu as déjà, été coureur au sein d'une Coupe du Monde? Non, j'avais pas le niveau. Oh. Non, sachant que les Coupes du Monde, c'est un niveau très très relevé. D'accord. Et je n'ai pas eu cette opportunité. Par contre, j'ai suivi beaucoup de courses, j'ai été sur beaucoup beaucoup d'événements où ça m'a permis aussi m'imprégner des différents parcours, d'avoir des informations aussi des pilotes, de ce qu'ils aiment un petit peu moins. Et c'est un petit peu comme tout, on a une pratique également qui évoluent, des pistes qui évoluent. Si on prend des pistes fin des années 90, on était sur des pistes qui duraient 5, 6, 7 minutes. Aujourd'hui, une Coupe du Monde, on est plutôt à 2 minutes, 2 minutes 30. Ah oui. Donc, c'est des choses qui sont très, très rapides. C'est un petit peu du sprint, quoi, si on pourrait dire. Donc, où le but est de partir d'un point haut, arriver à un point bas et passer les différents virages, les différents obstacles le plus vite possible. Waouh, ça doit être... restant sur le vélo. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Et pas que le vélo soit sur nous, ça, c'est pas bon signe. Du coup, tu n'as jamais couru dans une Coupe du Monde, mais tu vas être traceur pour cette descente de cette année, Coupe du Monde de VTT à la Bresse le 24, 25 et 26 août quand même. Je vous invite à aller voir ça quand même, ça se fait, on va quand même supporter et puis regarder ce qui se fait chez nous. Une Coupe du Monde de VTT, c'est pas rien. Alors, on pourra te retrouver aussi en tant qu'exposant, justement avec tes produits Labyrinthe, au sein de cette Coupe du Monde de VTT. Exactement. donc avec les nouveautés 2019, dont un vélo, un VTT assistance électrique. D'accord. Bien entendu. Ouais. Et puis, donc là, il y a deux grosses nouveautés qui vont arriver pour la fin août, qui seront présentées à ce moment-là. D'accord. Et qui vont être commercialisées dans la foulée quand notre site internet va arriver. Ouais. En sachant que le but aujourd'hui est de faire de la vente directe, donc c'est-à-dire d'être fabricant et vendeur en même temps pour satisfaire pleinement le client. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que petite marque, le but également est essayer de minimiser les intermédiaires parce que c'est très compliqué en logistique et il faut des volumes très importants pour pouvoir les draguer un petit peu pour travailler avec. Donc c'est un système que j'ai déjà essayé par le passé, mais malheureusement c'est très compliqué parce qu'en fait c'est soit on vend des produits très chers, soit faut faire beaucoup de volume. Oui. Pour que tout le monde s'y retrouve. Et j'ai eu l'expérience par le passé où j'envoyais des clients vers des magasins de vélo qui, au final, repartaient avec un autre produit. Ah. Donc, je me suis dit, plutôt, j'ai le client au téléphone, plutôt que de l'envoyer quelque part, autant lui proposer mon produit directement. Ah bah oui. À un tarif qui sera un petit peu plus agressif, entre guillemets, et le satisfaire pleinement. Quoi. Ah bah, ça, c'est chouette. Donc, du coup, là, ça y est, tu te lances dans l'assistance électrique aussi. Exactement. Et ça, c'est une nouveauté, ça, tu ne le faisais pas avant? Oui, c'est tout nouveau. Okay. C'est tout nouveau avec un VTT à suspension, donc avant-arrière. C'est vraiment un très, très beau produit. Hein. Bien sûr, hein, ils ont déjà été testés, retestés. Ouais. Ça va être vraiment quelque chose de très sympa. Ouais. D'accord. Alors, il y a des périodes de test pour les vélos, les VTT que tu proposes. Bah, le plus simple, hein, c'est si les personnes sont intéressées, c'est qu'ils prennent contact par mail ou par téléphone pour dire, bah voilà, j'ai entendu parler de votre produit, j'ai vu votre produit, ça m'intéresse, est-ce que c'est possible de le tester? On prend rendez-vous et on fait un test, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour le client, mais est-ce que toi, tu testes les vélos avant de les... Ah, bien sûr, oui, vaut mieux. Hein. Ouais. Vaut mieux, oui. Généralement, avant qu'un produit soit commercialisé... Ouais, ça fait presque un an qu'il roule avant la commercialisation. D'accord. Oui, parce D'accord. qu'il faut quand même des tests longue durée. Il faut également valider tous les produits qui vont être montés sur le vélo pour que ça soit quelque chose de cohérent. Et on va dire que derrière, quand on va concevoir un produit, c'est rarement à la première conception qu'on a le produit idéal qui va bien. Donc ça passe par des phases de prototypage en 1, 2, 3 exemplaires avec des améliorations à chaque fois qui permettent d'avoir le produit on va dire idéal selon moi, quoi. Eh ben dis donc, on aura levé le voile sur le mystère vélo aujourd'hui avec toi, Cédric. Notre émission, elle est déjà terminée, elle est passée à toute vitesse. J'espère que tu auras passé un bon moment. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour nous parler de Labyrinthe, ta marque, mais aussi de ton parcours et puis de cette fameuse Coupe du Monde de VTT que l'on n'oublie pas, 24, 25 et 26 août. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Eh ben, merci de m'avoir accueilli déjà ici. Merci de votre écoute. Et puis en espérant qu'on puisse se croiser sur les sentiers, voire même venir essayer les vélos. Si vous voulez, peu importe le renseignement, n'hésitez pas à contacter par le biais d'Internet, par mail, par téléphone. Aujourd'hui, la page du site Internet est en maintenance, mais vous avez tout de même les contacts sur la page Internet pour avoir toute information que vous cherchez. Voilà, www.labyrinthebikes.com et sur Facebook, eh bien, pareil, hein, Labyrinthe Bikes, c'est le nom de cette page Facebook. De toute façon, on remettra... Ouais. Juste une petite précision, labyrinthe sans le E à la fin. Voilà, sans le E. De toute façon, on remettra le lien de ce site internet et de cette page Facebook avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera présente eh bien, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Pour les couches tard, si vous avez envie d'écouter, de réécouter, de réécouter, eh bien, ça se passe ce soir à minuit, rediffusion de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric, encore pour ta présence. Merci Lia pour l'accueil et pour cette émission. Plein de bonnes choses à venir. Fais attention à toi. Et puis pour nos auditeurs, on se retrouve demain. Et c'est comme tous les jours, hein, n'oubliez pas. Bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up. Get your weapons wrong, they only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young.